او ça a l'air bien là. Oh, on est bien là. Je le sens bien là. Allô, allô? One, two, one, two. Test. Alors si tu m'entends, je crois que j'ai une idée en fait. Je vais repasser ma carte en 18 entrées et sorties. Et ce sera beaucoup plus facile pour moi de gérer. Est-ce que ça te semble possible dans Reaper d'avoir une dizaine d'entrées routées dans le master qui vous feront mon son sur une piste dans Ninja? Ouais, ça marche. Je vais tester ça. Allez, je reprends la main. Je te remercie. Tu as une patience.